La passe miroir de Christelle Dabos. Livre 1. Les fiancés de l'hiver. Lue par Clotilde Say. Première bribe. Au commencement, nous étions un. Mais Dieu nous jugeait impropre à le satisfaire ainsi. Alors, Dieu s'est mis à nous diviser. Dieu s'amusait beaucoup avec nous. Puis Dieu se lassait et nous oubliait. Dieu pouvait être si cruel dans son indifférence qu'il m'épouvantait. Dieu savait se montrer doux aussi, et je l'ai aimé comme je n'ai jamais aimé personne. Je crois que nous aurions tous pu vivre heureux en un sens, Dieu, moi et les autres, sans ce maudit bouquin. Il me répugnait. Je savais le lien qui me rattachait à lui de la plus écœurante des façons, mais cette horreur-là est venue plus tard, bien plus tard. Je n'ai pas compris tout de suite. J'étais trop ignorant. J'aimais Dieu, oui, mais je détestais ce bouquin qu'il ouvrait pour un oui ou pour un non. Dieu, lui, ça l'amusait énormément. Quand Dieu était content, il écrivait. Quand Dieu était en colère, il écrivait. Et un jour où Dieu se sentait de très mauvaise humeur, il a fait une énorme bêtise. Dieu a brisé le monde en morceaux.